Bonjour, bonsoir, selon le départ de l'endroit où vous vous situez. Bienvenue dans l'émission Forum Jeune qui donne l'occasion aux jeunes de débattre sur tous les sujets qui les intéressent. Forum Jeune, c'est sur la radio Isanganiro tous les lundis. À la présentation de cette émission, c'est moi Pacifique Chubahiro et Eric Uwimana assure la mise en onde. L'image est perçue par certains comme une matière première, pour certains d'autres comme un produit fini. À partir d'une image, des dessinateurs, des sérigraphes, des designers, des peintres, des sculpteurs créent d'autres produits légèrement ou largement modifiés. Avec l'ordinateur, le travail de design s'est nettement amélioré, offrant des techniques et des spécialisations diverses. Le design est un métier qui intéresse le plus souvent les jeunes et surtout, il est exigeant en termes de créativité, notamment dans la conception des logos, des flyers, des dépliants, des pochettes pour les CD et bien d'autres produits. Toutes ces belles choses qui attirent la vue de plusieurs personnes sont l'œuvre des designers. Mais finalement, qui sont-ils? En quoi consiste exactement leur travail? Quels sont les défis rencontrés dans ce domaine? Le design peut-il offrir des opportunités pour les jeunes? Pour en savoir plus, nous avons dans nos studios M. Danny Zeimana, designer à groupe de presse Iwachu et directeur du concept de Concept Plus, une société qui offre des services divers à base de design. Bonjour et bienvenue dans cette émission. C'est la première fois peut-être, Danny, que tu viens dans nos studios de la radio Isanganiro. Oui, c'est la première fois. Peut-être. Vous êtes habitué quelque part à parler au micro et surtout quand il faut parler du design. Oui, oui. Là, ici, il faut parler design. Je me sens très bien. C'est mon domaine. Oui. Voilà, si vous avez l'une ou l'autre question sur le travail de designer, chers auditeurs, n'hésitez pas, vous pouvez appeler au 22 24 66 01 ou 22 24 66 02. Encore une fois, bienvenue à tous dans l'émission Forum Jeune. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Voilà, je venais de vous le dire, aujourd'hui nous parlons du travail de designer, le design c'est quoi? Nous sommes avec Danny Nzeimana. Danny, juste un peu de portrait, en tant que designer vous êtes qui? Danny c'est un produit qui s'est formé de lui-même, comme certains métiers quand même. Bon, je m'appelle Danny Nzeimana, je travaille au groupe de presse Iwachu. Je suis aussi directeur du Concept Plus. C'est une agence de communication qui fait le design. Et aussi, nous faisons des jardins. Mm-hmm. Nous faisons des concepts, beaucoup de concepts. Nous créons des logos, des flyers, comme vous disiez à la présentation. Oui, oui. Nous essayons d'être à la place d'un client. Mm-hmm. Oui, pour l'aider à conduire son produit, à l'aider à créer une publicité qui va avec ses produits, ses articles, comme ça, oui. La plupart des designers sont dans le métier, mais ils se sont formés d'eux-mêmes. Vous êtes parmi ces gens qui sont des autodidactes ou vous avez fait une carrière au niveau du secondaire, de l'université. Comment vous êtes devenu designer? Oui, oui. J'ai commencé à aimer le design parce que j'aimais tous les jours, j'aimais créer des trucs. Je me suis intéressé en regardant sur Internet. Mm-hmm. Oui, après, vous avez décidé de faire une carrière. Oui, oui, mais j'ai fait des études à Kampala pour 3 ans. Le secondaire. Après, j'ai fait l'université Lumière de Bujumbura. Mm-hmm. Après, j'ai visité le site internet et je voulais juste voir si je peux pas trouver autre chose parce que je commençais à m'intéresser au métier du design. Mm-hmm. Alors, j'ai vu une école qui s'appelle Artfield Institute of Design. Oui. Et puis, j'ai demandé comment s'inscrire à cette école. Et puis, ils m'ont donné comment on peut s'inscrire. Et puis, je suis allé à Kampala. Mm-hmm. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. À dessiner sur ordinateur. Non, pas seulement à dessiner. À apprendre ce qu'il y a à rapport. Oui, mais quand je suis allé là-bas, j'étais étonné. Je voyais qu'on me donnait des crayons. Je deviens un enfant de la maternelle, c'est quoi? Mmh. Oui. Tu pensais que tu allais directement frapper l'ordinateur? L'ordinateur, et oui. On a passé au moins 4 mois sans toucher l'ordinateur. On nous demandait d'être créatifs, essayer d'imaginer ce que tu viens de dessiner, tu vas le réaliser sur l'ordinateur. Mmh. Oui. Donc l'ordinateur viendra après, mais quand même d'abord mettre sur papier ce que vous pensez. Oui, oui. Dessiner, on te demandait de créer des trucs que tu ne comprenais pas pour t'aider à améliorer ta créativité. Mmh. Oui. Ton imagination. Ton imagination, oui. Mmh. Mmh. Est-ce que vraiment, quand on apprend le design, ça se passe comment? Ça relève de technique ou d'un talent quelque part? Quand on fait le design, il faut tout d'abord être calme, essayer de penser, essayer d'écouter quelqu'un qui fait ses commandes. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps. Par exemple, il y a des entreprises, on te téléphone, on veut créer un produit nouveau ici à Bujumbura. Mm-hmm. Et puis, il te dit, nous voulons juste que le nom de ce produit s'appelle, par exemple, BIC. Mm. BIC, c'est quoi? Tu vas faire une publicité pour ce BIC. Et puis, tu t'imagines comment je vais faire. Mm-hmm. Et tu prends le temps d'aller voir comment les autres ont fait les publicités sur Internet. Oui. Mm-hmm. Et puis, tu t'imagines. Et puis, souvent, tu donnes des exemples, au moins 10 exemples. Et on te dit, non, ça ne convient. Ça ne nous intéresse oui, pas. Oui. Et comment vous faites pour justement intéresser votre client? Quelqu'un qui voudrait que vous fassiez quelque chose pour lui, comment vous parvenez à faire coïncider votre dessin et ce que vraiment il désire? Par exemple, moi, quand je pour faire aimer au client les produits, je pose beaucoup de questions. Entre autres? Est-ce que ça vous convient si je mets cette phrase-là? Et puis, ça vous convient si j'utilise les... Tu veux que j'utilise quelle couleur? Pour que je me mets à la place d'un client. Souvent, c'est difficile de comprendre un client. Il y a des clients qui viennent sans savoir ce qu'ils veulent. Oui, je me mets à la place d'un client pour que je puisse comprendre. Et oui, je reste en contact avec un client pour que... Est-ce vraiment facile? C'est la question. C'est casse-tête, oui. Il y a des fois... Quelles sont les astuces notamment que tu utilises pour justement... Convaincre, oui. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et tu proposes 3 ou 4 publicités ou flyers ou logos. Ils disent non, ça va pas, je vois pas pourquoi tu as utilisé ça et ça. Tu essaies d'être à la place de ce client et tu lui expliques comment tu vas, tu vois, parce que c'est un nouveau métier ici au Burundi. En fait, l'idée, c'est que plusieurs personnes ont du mal à proposer ce qu'ils pensent, mais quand même sont à mesure de critiquer un produit donné. Oui. C'est et ça là, le problème que nous rencontrons tous les jours, oui. Mais tu t'habitues, tu essaies de discuter avec quelqu'un. Oui. Finalement, il y a beaucoup de gens qui demandent de plusieurs produits qui nécessitent le design. Mais finalement, c'est un marché, si je peux dire, encore vierge au Burundi. Oui, c'est un marché encore vierge, mais beaucoup de gens ne comprennent pas le métier de design. Oui. Ça, ils ne comprennent pas parce que... quand tu lui expliques, moi je suis un designer, j'ai une agence de communication et nous allons essayer d'être à la place. Quand vous voulez commander quelque chose ailleurs, venez commander chez nous. Nous allons vous offrir nos produits en créant des bons documents, c'est Internet, créer votre interface Internet. Ou créer vos flyers. Il y a des gens qui font des promotions qui sont ici, mais quand tu lui expliques, tu lui donnes ton tarif, oui, il te dit non, ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui peut le faire à 10 000 ou 15 000. Justement, oui. C'est un problème au niveau de tarification. Il y aura quelqu'un qui va te demander un prix qui va même multiplier par 4 par un autre prix qui est finalement abordable. Comment vous parvenez justement à vous imposer? Parce que finalement, le travail de designer, c'est aussi une certaine marque pour la personne qui fait des belles choses et qui, en retour, attend qu'il soit rémunéré à sa juste valeur. Comment vous parvenez à expliquer que vous faites mieux que les autres? Oui. Moi, j'utilise les designs que j'ai déjà fait. J'ai pas mal fait beaucoup de choses ici à Bujumbura, les livres, les éditions. Je fais les publicités pour GTS, Braroudi, Kirignota. Quand tu vas voir un client, tu lui montres ce que tu as fait pour les autres, il est directement convaincu. Et tu lui expliques que j'ai fait ça pour quelques... Bon, par exemple, tu lui montres les tarifications que tu as fait pour un livre comme Kirignota avec Braroudi. Il y a des gens qui te disent « Ah, si tu as déjà travaillé avec Braroudi, moi, je ne peux pas travailler avec toi. » Oui, justement, c'est un problème. On se sentira plus petit pour te proposer un contrat. De toutes les façons, on désespère. On sait que tu ne pourras pas. Ils ne pourront pas honorer tes honoraires. Oui, mais tu essaies d'être... comment dire, très souple. Cool. Souple, oui. Tu lui expliques que non, j'ai fait pour la Braroudi avec ça, mais je peux diminuer la tarification pour vous et on peut discuter. C'est juste, on n'a pas de prix, mais j'ai fait comme des packages, des paquets pour, pour montrer aux clients ce que je peux faire pour les produits. Je donne un paquet pour flyer, un logo. Pour une telle tarification et puis d'autres pour le site web, je fais un autre paquet pour que le client il va venir discuter avec moi. D'abord, il a déjà vu les tarifications. Oui, oui. Ça, c'est bien. Mais je voudrais encore revenir sur ce calme qui doit guider le designer. Est-ce que vraiment, finalement, beaucoup de jeunes peuvent y arriver parce que des fois, on dit que le calme vient avec la sagesse et la sagesse également vient avec l'âge. C'est vraiment facile quand un jeune soit calme pour concevoir quelque chose et qui pourrait intéresser la vie de tout le monde. Bon, quand j'ai dit tu dois être calme, je pense que... Bon, être calme, c'est quand on t'a déjà donné... un produit. Un produit, il est un produit qui est devant toi. C'est brut. C'est brut. Au lieu, tu commences à... Tu dois être calme pour observer ce produit, pour voir si tu vas avoir une créativité qui va venir en toi pour créer ce produit. Oui, c'est pour cela que j'ai dit, tu dois être calme et tu dois aussi visiter d'autres sites qui font le design pour voir, pour comprendre, ou bien tu tapes sur Google. Observer, faire des recherches. Oui. C'est un métier artistique. Oui. Et un artiste, c'est celui qui travaille son cerveau. Oui, et créatif. Tu dois être créatif, tu dois demander aux gens. Il y a des fois, je demande à mes collègues, si on te demandait ça, qu'est-ce que tu peux répondre pour comprendre les gens tout. Ou bien aussi proposer aussi des dessins, plusieurs dessins. Plusieurs dessins, pour qu'ils puissent faire une sélection pour toi. Et une sélection pour moi, pour que je puisse comprendre. Et parce que c'est souvent, c'est difficile de choisir toi-même. Oui, ce n'est pas si facile de créer quelque chose qui va plaire aux autres. Oui, c'est... Merci, c'est l'émission Forum Jeune. À vous tous qui nous retrouvez dans cette émission, nous vous rappelons que nous parlons du travail de design et avec un designer ici au studio, et nous sommes avec Dany Nzeimana, designer au groupe de presse Iwachu et directeur de Concept Plus, une société qui offre des services divers à base de design. Justement, par rapport à votre travail, on a plus besoin de ces jeunes, de ces personnes qui voudraient prendre du temps pour analyser un produit afin d'offrir un dessin qui pourrait intéresser votre client. Mais finalement, est-ce facile pour quelqu'un qui apprend? N'est-ce pas vraiment un travail qui pourrait le gêner, du coup, dire que le design, c'est pas son truc. Bon, pour moi, chaque jeune est un designer. Mm-hmm. Ça dépend de la manière que tu vas t'y prendre. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui sont ici en ville, maintenant, ils ont ouvert leur studio pour le design. Mm-hmm. Ils commencent... je pense que c'est comme tous les autres métiers. Mm-hmm. Quand tu es intéressé par un métier, mm-hmm. tu dois faire tous tes efforts mm-hmm. pour que tu puisses connaître ce métier. Mais c'est un métier si tu ne connais pas utiliser l'ordinateur, ouais, parce que on utilise des programmes Adobe, ça dépend de l'évolution de l'Adobe, parce qu'aujourd'hui nous sommes sur l'Adobe CC. Les designers qui mm-hmm. m'écoutent savent, mm-hmm. savent ce que c'est CC. Alors, il faut pratiquer. Mm-hmm. Il faut toujours pratiquer. Un jour, tu vas y parvenir. Oui. Mais justement, on pratique sur ordinateur, après le dessin à la main pour mmh. vraiment affiner votre travail. Et l'ordinateur, ce n'est pas à la porte de tout le monde. Ça devient d'un coup un obstacle. Non, non. Il y a aussi des designers qui n'ont pas des ordinateurs, qui font des dessins mmh. et qui font des expositions ici au CCF ou partout. Mmh. Mais ce sont des créateurs. On va les appeler des designers ou des dessinateurs. Et oui, c'est les deux à la fois. Les deux à la fois, oui, oui. Il y a des gens qui disent, moi je suis designer, mm-hmm. je sais comment dessiner ça mm-hmm. et ça. Mais s'ils savaient comment réaliser ça mm-hmm. dans l'ordinateur, ça serait très mieux. Mm-hmm. Parce que je me souviens un professeur qui nous a dit, si tu ne sais pas dessiner, mm-hmm. ça sera difficile pour toi d'être designer. Oui, si tu es des dessinateurs et que tu connais utiliser ces programmes-là, c'est vraiment quelque chose de bon. Mm-hmm. Mm-hmm. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des initiatives ici à Bujumbura, par exemple, pour retrouver ces talents pour que justement vous puissiez travailler en synergie afin de vous entraider et être plus créatif? Oui, oui. Chez moi, dans Concept et Plus, mm-hmm. J'avais un programme que je suis en train de réaliser, mais je suis tout juste au début. Mm-hmm. J'avais contacté quelqu'un qui habitait à Nairobi. Mm-hmm. C'est un animateur. Mm-hmm. C'est un designer animateur. Mm-hmm. Je voulais juste l'amener ici mm-hmm. pour faire chercher quelques jeunes qui sont intéressés par le design et l'animation en trois dimensions mm-hmm. pour qu'ils viennent pour s'inscrire, pour qu'on puisse voir si on peut faire une institution de design. Mm-hmm. Il avait accepté, mais... Avec peut-être les circonstances du moment. Au dit moment, mm-hmm. il a dit, j'ai peur, je ne peux pas venir les choses se passent très bien, je pourrais venir, mais jusqu'au moment, j'attends toujours. Mm-hmm. Mais il a accepté, on a des bons projets pour aider les jeunes, surtout les qui terminent leur secondaire, mm-hmm. Pour qu'ils puissent s'intéresser au design. Oui, il a dit, moi aussi, ça me plairait de travailler avec toi, avec ton entreprise, Concept et Plus. Si tu peux trouver des jeunes qui sont intéressés, parce qu'il y a quelqu'un qui peut venir te dire je suis intéressé au design, et après 2-3 jours il voit que c'est dur, il dit je laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a les gens qui sont intéressés par le design. Par exemple, j'ai rencontré un jeune à Gitega, il m'a montré ce qu'il a fait, mais il ne sait pas qu'il est designer. Il m'a montré ses concepts. Il m'a dit, moi, je fais ça et ça dans le... Je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu es un vrai designer mm-hmm. et tu peux être quelqu'un de très intéressant mm-hmm. dans les jours à venir? Oui. Il m'a dit, je ne savais pas. Mm-hmm. Voilà. Il m'a dit, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Mm-hmm. Oui, je lui ai dit, si tu es de ça à Bujumbura, mm-hmm. viens me voir, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Mm-hmm. Oui. Il est venu finalement. On est toujours en contact. Il m'a dit qu'il va faire l'exeta. Mm-hmm. Et après l'exeta, il viendra. Il viendra. Quand il va venir, je pense que j'aurai quelqu'un de très intéressant de travailler avec moi. Mm-hmm. Parce que moi aussi, j'ai été surpris de voir un jeune qui réalise des choses comme c'est inné. C'est, mm-hmm. c'est, pour oui. dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents en eux, mais finalement, qui ne sont pas à mesure de se découvrir. Oui, oui, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Oui, oui. Il y en a beaucoup qui savent. Par exemple, un autre jeune que j'ai rencontré à Mutangano, mm-hmm. Il sait dessiner. Il dessine très bien, mais il dessine juste pour s'amuser. Mm-hmm. Oui. Et je lui ai dit. C'est, je réponds à la question qui dit comment on fait une synergie pour mmh. que ces jeunes-là découvrent leur talent. Mmh. C'est ce que je suis en train de voir. Je lui ai invité aussi. Je lui ai dit, je n'ai pas beaucoup de moyens, mmh. et, mais on peut faire quelque chose comme une exposition. Il y aura des gens qui peuvent venir admirer vos talents. Mmh. Ils peuvent juste voir que tu es vraiment créatif. Ils mmh. peuvent te découvrir comme mmh. ça. Oui. Donc, c'est dire que à Concept Plus, si quelqu'un vient, vous demande un stage, il a son ordinateur, il a aussi en partie son talent avec mmh. son crayon, mmh. Vous pouvez vraiment l'accueillir ou échanger sur la manière dont vous pourrez travailler ensemble. Oui, il est le bienvenu. Mmh, toujours bienvenu. Toujours bienvenu. Mmh. Si j'ai le temps, souvent mmh. pendant le week-end, mmh. On peut juste. C'est un plaisir pour moi aussi. Quand tu enseignes, tu apprends encore. Mm-hmm. Oui, oui. Mm-hmm. C'est un plaisir pour moi. Oui. Oui. On a beaucoup parlé de logo, de flyers. C'est vraiment peut-être des produits qui sont recherchés par plusieurs organisations. Mais mm-hmm. au fond, le design ne touche pas que le papier. Il y a aussi d'autres produits, si je ne me suis pas trompé. Il y a beaucoup de produits. Un designer mm-hmm. fait beaucoup de choses. Par exemple, tu peux être un designer webmaster. Mm-hmm. Je le fais aussi. Mm-hmm. Tu peux faire la mise en page des livres, les mm-hmm. éditions. Par exemple, moi, j'ai déjà fait Le Petit Prince mm-hmm. en version Kirundi. Mm-hmm. C'est un livre très intéressant en France. Mm-hmm. J'ai fait aussi les éditions Les Témoins, ceux qui lisent les Yuachu. Ils vont mm-hmm. voir mon nom, Zeymana Dani. Il y a des gens qui sont des designers de l'intérieur au niveau des maisons. Ah oui, ça aussi. Mm-hmm. Ce sont des designers parce que tu construis une maison et tu n'as pas l'idée comment tu vas disposer les meubles mm-hmm. ou faire des comptoirs, tout ça. Il est où mettre des couleurs. Il est là. Il va te faire des choses. Bon, ça dépend de la carrière que tu as fait. Mm-hmm. Parce que à Kampala, là où j'étais pendant mes études, c'est une section que tu devais prendre. Mm-hmm. Il y avait des designers qui faisaient de l'intérieur. Mm-hmm. Oui. Et les designers papier, logo, mm-hmm. tout ça. Oui, oui. Il y a beaucoup de designers. Il y a aussi des designers qui font des meubles, des maisons, qui mm-hmm. font des maquettes pour une maison. Avant mm-hmm. de la construire, il va dessiner ça sur papier. Et il va réaliser ça sur ordinateur, dans les mêmes programmes Adobe. Mm-hmm. Et il va t'amener la maison finie avec le jardin, les fleurs, tout ça, les couleurs. C'est un designer aussi, mm-hmm. oui. C'est donc aussi, je sais de comprendre, un métier qui offre plusieurs opportunités. Oui, oui, oui. Il y a des fois que j'étais en train de discuter avec un ami. Je lui ai dit, ici, nous avons un problème. Parce qu'à l'université, c'est toujours les mêmes choses. Mm-hmm. Le droit, la communication, infogestion, gestion. Mm-hmm. Si on avait des choses techniques comme ça. Parce qu'être designer, tu peux travailler aussi à la maison. Mm-hmm. Tu peux être à la maison avec des écouteurs, tu écoutes la musique. Et puis, tu es en train de travailler. Mm-hmm. Tu n'as pas un bureau en ville, tu n'as pas encore des moyens, mm-hmm. mais tu sais comment travailler. Mm-hmm. Tu vas demander, par exemple, à la Bravodi, Savonor... Beaucoup d'industries ici, ils mm-hmm. n'ont pas de designers. Mm-hmm. Ils te donnent pour tester. Mm-hmm. Tu dis, moi, vous allez gratuitement donne-moi un produit, mm-hmm. je vais travailler chez moi. Si vous aimez, vous allez me contacter. Mm-hmm. Et puis, tu envoies par mail. Et finalement, les gens peuvent penser que c'est difficile d'avoir des débouchés. Justement, par rapport à ça, il faut toujours tenter quelque chose, approcher des gens. Oui, oui, il faut mm-hmm. approcher. Quand on a appris le métier. tu connais le métier. Tu ne peux pas être là-bas et tu mets concept plus. Je m'assois ici. Les gens vont venir de même. Il faut aller voir les gens. Expliquer. Il y a même les entreprises qui ne savent pas ce que c'est être un designer. Ils ne savent pas. Tu dois aller expliquer. Tu dois aller rencontrer un directeur d'une entreprise. Tu lui expliques, moi, je suis un designer. Qu'est-ce que c'est un designer? Je veux que un designer, c'est un métier artistique et créatif. Je peux, par exemple, vous avez des motos ici dans votre entreprise. Alors, est-ce qu'il y a les gens qui savent que vous avez ces motos-là? Moi, je vais faire des flyers, des publicités, des billboards. Et je vais même amener une publicité à Isanganiro avec ma créativité. Et puis, les gens vont connaître vos produits. Oui, c'est comme ça. Tu dois approcher les gens. Il y en a beaucoup qui ne savent pas même utiliser leur argent en matière de publicité. Parce que si on visite les autres pays, la publicité vient avant. Oui. Avant la consommation. Avant la consommation, oui. Voilà, nous sommes vers la fin de cette émission Forum Jeune. Dany, pour clôturer, quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes qui voudraient tenter l'aventure de designer? Bon, je les encourage de découvrir le design. C'est un métier vraiment bon pour les jeunes. C'est un métier qui va les offrir. Au lieu d'aller demander le travail, ils vont créer leur travail. Oui, je les invite à découvrir le design et à être très patient. Ça demande beaucoup de temps, mais petit à petit, ils vont y parvenir. Oui. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission Forum Jeune. Forum Jeune, aujourd'hui, on parlait du travail de designer avec Dany Nzeimana, lui-même designer au groupe de presse iWatch et directeur de Concept Plus, une société qui offre des services divers à base de design. Merci, Dany Nzeimana, pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Au micro, vous étiez avec moi, Pacifique Chuvahiro. La mise en onde de cette émission était faite par Eric Ouimana. Alida a assuré la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui avez suivi. À la prochaine.